Voilà, c'est l'intempestive. Pendant quelques jours de juin 2009, dans une ville de France, il a été interdit de porter des vêtements noirs, interdit d'entrer et de sortir librement d'un campement autorisé, interdit de suivre le parcours d'une manifestation déclarée, interdit de diffuser des tracts, interdit d'accéder au centre-ville, interdit de marcher comme on l'entendait dans les rues de la ville, interdit de se déplacer sans décliner son identité plusieurs fois par jour. C'était quelques jours pour les personnes qui participaient au camp. C'était toute l'année pour les exilés qui passaient par cette ville. En juin 2009, un camp No Border s'est tenu à Calais. Il visait à rendre visible la situation des exilés sur le littoral et à l'aborder d'un point de vue politique plutôt qu'humanitaire. Entre 500 et 1000 personnes s'y sont retrouvées. En face et partout autour, il y avait 2500 policiers. Édito de Nomade, quotidien du camp No Border de Calais, numéro 1, mardi 23 juin 2009. No Border quoi ? Réseau militant européen fondé en 2000, le collectif No Border, pas de frontières, lutte pour la liberté de circulation et plus spécifiquement contre les politiques migratoires européennes au sein de l'espace Schengen. Le réseau revendique la régularisation des étrangers en situation irrégulière et la fermeture des centres de rétention. Les camps No Border sont dans une optique offensive, créer de façon concrète le rapport de force autour des lieux symboliques qui diffèrent sensiblement des logiques de contre-sommet. Régulièrement, des camps à proximité des zones frontières ou des lieux cruciaux, tels des zones aéroportuaires, sont donc organisés. Le camp de Calais est à l'initiative de plusieurs groupes britanniques qui avaient organisé en septembre 2007 le premier camp No Border en Grande-Bretagne, à l'aéroport de Gatwick, où était prévue l'installation d'un centre de rétention. Ces derniers se sont coordonnés à travers plusieurs réunions et ateliers de travail avec des militants et militantes françaises et belges. Pour Sylvain, qui a participé à l'organisation, le choix du lieu est marqué du sceau de l'évidence. Calais est un point central des questions autour des frontières. D'une part pour l'intensité des marchandises qui y circulent, d'autre part pour l'importance de son trafic touristique. Enfin et surtout, car la ville est une frontière très surveillée qui entraîne le blocage de centaines de personnes depuis des années. C'est donc l'occasion de mettre en lumière ce qui se passe dans l'ultime frontière de l'espace Schengen et de renforcer la solidarité internationale face aux politiques migratoires européennes en créant un camp de rencontres, de discussions et d'échanges autour de la question des frontières, tout en prévoyant des actions symboliques contre les institutions responsables du fait que seuls les riches et les marchandises ont le droit de circuler librement. Faite optique offensive, le camp No Border avait été asphyxié par la machine policière, politique et médiatique. Très peu d'actions avaient pu se tenir. Des militants s'étaient enchaînés au centre de rétention de l'Escain un jour. Un autre jour, l'autoroute qui longeait le camp avait été bloquée. On avait davantage eu l'impression d'être utilisé comme cobaye d'une expérimentation sécuritaire que de créer un véritable rapport de force. Mais cette paranoïa soigneusement organisée n'avait empêché ni les échanges ni les rencontres, et elle avait mis la frontière à nu. Avec Guillaume, On était arrivés pour la manifestation du samedi. Avec Juliette. Donc on a pu continuer pour nous diriger et donc traverser la ville de Calais pour nous rendre au rendez-vous où nous sommes actuellement, c'est-à-dire au phare, donc pas très loin de l'embarcadère des ferries, dans la Neuve-Ville, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ce quartier. Et là, on a commencé à circuler entre les petites rues parce qu'il y avait certaines rues qui étaient autorisées au déplacement, d'autres non, puisqu'il y a un lourd déploiement policier autour de nous. Devant, derrière, à gauche, à droite, dans le ciel, il y a un hélicoptère en permanence au-dessus de nous. Et donc on est arrivé, il y avait 300-400 personnes de présentes. Là, on a dû attendre puisque le camp No Border qui se trouve à peu près à 30 km à l'est de la ville, qui regroupe depuis une semaine maintenant la plupart des activités, des débats, des actions ou des initiatives qui sont prises dans le cadre de cette semaine No Border. Ce camp devait voir partir le gros des troupes. Or, les troupes ont été plus ou moins, même beaucoup plus que moins, embêtées par les flics. Il y a eu apparemment des fouilles à la sortie du camp. Ensuite, ils se sont fait charger, il y a eu des gazages et tout ça. Donc, alors qu'ils étaient censés arriver avant nous, avant les Parisiens, parce que nous, on descendait du train à une heure précise, c'est eux qu'on a attendu une bonne heure, là. Et là, je prends le micro pour au moment où ils viennent d'arriver. Et alors qu'on était 300-400, là, on vient au moins de doubler, puisqu'ils sont quand même un gros nombre. Donc ça c'est le point de la situation où on en est maintenant. Donc au niveau des participants, les premiers arrivants c'était plutôt les institutionnels, on va dire, c'est-à-dire les organisations politiques, la CNT, le NPA, les syndicats Sud, CNT, je crois que j'ai pas vu le drapeau communiste du PC. Enfin voilà, grosso modo, c'est un peu les gens installés sur la ville, les militants locaux qui étaient présents. Alors que lorsque le cortège No Border, on va dire, est arrivé, c'était beaucoup plus les Toto, Black Bloc et compagnie qui menaient le bal, sans personne, tout en noir, donc la tenue habituelle du manifestant, certains avec des bandeaux devant le visage ou des masques. Et puis un peu plus loin derrière, là, je tends le micro un peu, il y a une Batucada, donc un bille rose très, très flamboyante qui anime et qui met l'animation à côté des autres logos traditionnels, Manu Chao, les vieux chevaux révolutionnaires ou les Pérou. Voilà, donc comme tout le monde est rassemblé, on va devrait, j'espère, pouvoir commencer enfin la manifestation. Mais la manifestation est délimitée par une barrière qui va nous conduire justement vers la plage, hein, puisqu'on n'a pas eu l'autorisation de se rendre au centre où sont internés les migrants arrêtés, mais ça a été refusé, donc on va se rendre à la plage, qui est un autre lieu emblématique. La passage des frontières. Voilà, donc pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, donc on reprend le micro tout à l'heure. L'ensemble du pays nous regarde, et que le déploiement de policiers qui a été mis en place, un déploiement hors de propos. Aujourd'hui, nous combattons Sarkozy et sa politique, nous combattons l'Europe de Schengen. Nous luttons pour les droits des migrants, pour la liberté de circulation et la liberté d'installation. Mais nous luttons aussi pour le roi de manifester. Détruisons toutes les frontières. Liberté de circulation, liberté d'installation. Détruisons toutes les frontières. Début de la manif. Liberté d'installation, détruisons toutes les frontières. Liberté de circulation, liberté d'installation, détruisons toutes les frontières. No border, no nation, stop deportation. No border, no nation, stop deportation. Alors, le parcours se révèle plutôt champêtre, puisque 200 mètres plus loin, on est maintenant devant la baie du port, avec partout des Calaisiens aux fenêtres, sur le bord des rues. Je disais à Juliette tout à l'heure qu'il y a une tradition de voir passer les défilés de majorettes. Et bien, l'impression que ça me donnait, c'était que... Bah, plusieurs dames, messieurs sortaient leurs chaises et attendaient le défilé pour un peu comme lorsqu'il y a des défilés de majorette, on regarde passer les manifestants. Détruisons la zone de rétention, pierre par pierre, mur par mur. Détruisons la zone de rétention. Il y a des flics déployés tout le long du parcours, hein, à chaque coin de rue. On a le droit à des gardes mobiles, hein. c'est des gardes mobiles ceux-là, on les distingue bien. Et donc, oui, il sera difficile de sortir du parcours, même si on est tout seul, je crois qu'on n'aura pas l'autorisation, parce que déjà tout à l'heure j'avais essayé, et je n'ai pas pu. Il y a toutes les sortes de véhicules policiers, que ce soit le cheval, la voiture, le canon. C'est pas les immigrés qu'il faut éliminer, c'est le capitalisme qu'il faut éliminer. C'est pas les immigrés qu'il faut éliminer, c'est le capitalisme qu'il faut éliminer. Donc le long de la plage, en continuant, on arrive à des résidences plus cossu, on va dire, et effectivement, là sous les yeux, on pénètre dans un petit quartier le long du canal, hein, où il y a des belles maisons, on va dire, des belles maisons, et c'est des petits vieux, hein, qui sont à leur fenêtre ou devant leur portail, qui regardent l'air un peu goguenard ou interrogatif ou craintif, le défilé qui manifeste un peu... pour eux, quoi, parce que autour de nous, il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas grand monde et on est visible finalement pour un nombre assez réduit de personnes. Donc on coupe la route principale à ces résidences, mais en dehors de ça, la visibilité du cortège est assez réduite. Et voilà, on avance et on arrive à Blériot-Plage, commune de Sangatte. Donc l'idée serait très bonne, en effet, si on pouvait réussir à rejoindre le célèbre hangar qui a vu, il y a 6 ans de cela, Sarkozy débarquer pour le fermer. On va voir. Et ce qu'on a vu au bout du compte, c'était de longues routes désertes, bordées de CRS, et contournant soigneusement les lieux d'habitation et ceux qui pouvaient faire sens. They face a lot of problems with the police. Je voudrais juste dire que tous les jours, les demandeurs d'asile et les réfugiés sont soumis à la persécution de la police. Et il voudrait dire aussi que cette manifestation, elle lui fait vraiment chaud au cœur parce qu'elle rassemble des militants, des gens de Calais, des gens partout. Et il voudrait pas qu'on oublie ça. Voilà. Et il remercie tout le monde pour tous les migrants qui n'ont pas pu venir à cette manifestation. I would like to say another thing. The reason the people they are going for coming here, or they are going to England, or another countries. In the world, there is a mess everywhere. There is a war. There is a repression. There is a poverty everywhere in the world. That's why this is the age of immigrants. This is the age of the refugees. They are going everywhere. Il veut dire que actuellement c'est la guerre partout. Actuellement c'est la pauvreté partout, dans tous les pays. Que tous les gouvernements sont responsables et que ça va être l'âge maintenant de la migration. Parce que les gens partent là où il y a la misère et là où il y a la guerre. Que ça soit ici ou là-bas, les gens partent et les gens partiront toujours. Et si on veut avoir une solution à ça, c'est la suppression des frontières. C'est la suppression des frontières et la lutte contre les gouvernements. Et on peut rajouter les patrons qui entretiennent ça pour leur richesse. On voudrait vous dire, les gens aussi qui regardent là, que le blocage des policiers est illégal. Le parcours a été accepté, il ne doit pas s'arrêter ici. Ils bloquent ici et ils sont en train de nous prendre par derrière en tenaille. Voilà la liberté de manifester en dehors de la ville et pas jusqu'au bout de la manifestation. Une dernière information, il y a deux militants présents au Colomborder qui ont été arrêtés mercredi pendant un tractage dans Calais sans raison. Après avoir été tabassés et gardés à vue, ils passent en procès à Boulogne-sur-Mer le 14 octobre. Donc comme on l'a dit en début de manifestation, le Colomborder c'est une semaine, mais les migrants sont là toute l'année et la répression aussi. Donc n'oublions pas la solidarité avec les militants interpellés. Une dernière chose, je pense qu'il serait aussi de l'ordre de l'humanité d'avoir une pensée pour Amal qui est mort il y a 15 jours quand il a pris sa douche. Si on pouvait respecter une minute de silence pour lui, faisons-le. Et faisons taire cet hélicoptère. Merci à tous. De retour dans le camp, on a discuté avec Dominique, Michael et Melvin, habitants de Calais. J'ai commencé par leur demander comment la ville avait réagi à l'annonce du camp au border. Eh ben, au départ, tout le monde disait qu'il fallait se mettre les doses, qu'ils allaient tout casser. Ouais. Voilà, les gens n'osaient pas venir, n'osaient pas rentrer. Après, on a essayé de faire rentrer quelques gens de bouche à l'oreille, ça c'est sûr. Et il y a beaucoup de Calaisiens qui sont venus quand même. Le camp au border, il a été présenté comme... Comme rien de rien. Des terroristes, quoi. Voilà. Ouais, hier, moi, j'ai vu un monsieur qui est venu avec sa fille pour voir. Il était un peu intimidé, mais sa fille, elle avait même peur de venir au départ, tellement... Bah ouais, parce que tout le monde avait peur. De toute façon, c'est la police qui cherche. Hein. On est tous là, ils sont tout le temps en train de passer en hélicoptère, sur l'autoroute, en fait. Ils cherchent et après on dit que c'est nous. C'est la première fois qu'on voit ça quand même. On est impressionnés quand même. Et vous, au quotidien avec la police, ça se passe bien ou il y a beaucoup de contrôles d'identité? Il y a beaucoup de contrôles dans le quartier quand même. Même dans le centre-ville, si vous vous promenez à pied, vous allez être contrôlé, c'est sûr. Là, vous parlez pour les no-borders ou en général à Calais? Pour tout le monde, pour tout le monde. Voilà. Déjà, au départ, il y avait moins de plaies. Vous êtes venu, c'est normal, vous défendez une bonne cause. Voilà. On n'avait jamais vu autant de flics. Voilà. Si vous ne serez pas là, les immigrants, ils seront quand même dans la merde. Puis là, il y a un truc qui est bien. Parce que là, ils ont passé une bonne semaine avec vous. Ils pouvaient rester dans le camp. Ils pouvaient rester dans le camp sans se faire frapper. Voilà, ouais, ils mangent, ils boivent. Voilà. Mmh. Mais après, quand on s'en va... C'est le massacre. Ouais. Parce qu'on a déjà vu une paire, pied du mur, à coup de matraque. Et vous voyez où qu'il y a... Ou qu'ils avaient la grande maison où ils habitent là, ils ont des maisons les. À la cabina. Ouais. Et bah il y a des CRS tout ça, ils venaient avec des bombes à crémo et j'étais dans la maison tout ça. Et... Ah ouais. Ouais. Ils venaient massacrer tout ça. Et du coup les Afghans ou les migrants en général, vous au quotidien vous les voyez ou le quand nos border c'est l'occasion de les non, de les rencontrer. Toujours ils ont une place pour ils leur donnent à manger. Ouais, ils font du football avec eux tout ça, c'est ouais. Ça arrive de temps en temps mais sinon on n'est pas presque pas avec eux. Et le camp No Border, vous avez pu plus discuter avec eux, plus les rencontrer ? Bah c'est cool quand même de parler avec eux. Vous êtes resté toute la semaine au camp No Border ? Ouais. Vous en pensez quoi ? C'est un monde que je connaissais pas. Voilà. Moi ça va, j'ai passé une bonne semaine, franchement ouais. On a fait de ce qu'on a pu, voilà. On verra par la suite. Et du coup, l'image qui a été donnée de ce qu'on a au border dans la presse ou par les autorités bon, c'est pareil, on va tout casser, fermer tout. Voilà, alors les gens se remettent dans leur maison, ils ne doivent même pas sortir. Ouais. Parce que moi j'ai entendu beaucoup de gens, ils disaient ouais, samedi on sort pas, c'est noir, on va se faire casser la gueule. Voilà. Et vous pensez que les gens de Calais, ils ont compris que c'était pas tout. Ce qui est bien, dans le camp, il n'y a eu aucune bagarre pendant le séjour. Dans le camp. Mais après, il y a eu les approbations avec le CAP. Voilà. Mais sans quoi, c'est un truc bien. Si ça repère, voilà. Pour les aider. Tout à l'heure, on discutait du fait que les flics, ça leur plaît pas trop forcément que des gens de Calais, ils viennent dans le camp No Border. Parce que après, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Là, ils vont laisser calmer les choses quand vous êtes partis, mais on va se payer des contrôles. Puis s'ils ont pris des photos, parce qu'ils ont pris des photos de, je sais pas, de Pierre-Paul Jacques, voilà. Et si on est sur leur truc, ça y est. Mmh. Ouais, vous me racontiez, vous avez été arrêté, contrôlé par la BAC. Ouais, hier. Ben, on s'est allé chercher un pack, voilà, puis on s'est fait contrôler, l'hélicoptère nous a suivis, ils ont téléphoné à eux, et après on s'est fait arrêter, c'était comme si on était rien de rien. Voilà, ils nous ont fouillés, le mec il a dit ouais tu te rappelles d'hier et puis on verra ça plus tard. Rappelez que je vais avoir des retours. Les policiers sont quand même impressionnés que ceux de Calais ils viennent dans le camp des non-borders. Ah il y a un truc que je voulais dire. Quand vous allez revenir, vous allez encore avoir plus de monde derrière. Parce que comme vous avez fait voir une bonne image de vous, il y a du monde qui va revenir derrière. Pour vous soutenir. Ils vont venir quand même. Parce que vous avez fait la manif. Ouais. Vous avez vu tous les gens quand même qui regardaient. Ouais. Et ils ont... C'est la première fois qu'on voit ça à Calais. C'est quand même. C'est où la manifestation ? C'est partout, en fait, Calais Nord, tout ça. Mm. Les policiers, ils en profitent qu'on n'est pas beaucoup pour attaquer, en fait. C'est par ça. Mais si on serait plus que ça, là, ça irait mieux. Entretien avec Tom, de No Border, par Mathieu Killet, qui faisait partie du groupe vidéo pendant le temps. We're in Calais, for the No Border Camp. What is No Border Camp? No Border Camp is a collection of groups and individuals who are assembled under one thing, we want the opening of borders, ending of frontiers. Un camp No Border, c'est des groupes et des individus qui se réunissent pour demander l'ouverture des frontières et la fin des murs entre les gens, entre les riches et les pauvres, les pauvres à l'extérieur, les riches à l'intérieur. Refusal to look reality in the face, you know, the French immigration policy and British immigration policy is just a kind of idea that you can make somehow this problem invisible invisibilise the people, à Calais, il y a une sorte de refus de voir la réalité en face. La politique de la France et de l'Angleterre, en ce qui concerne l'immigration, c'est l'idée qu'on peut rendre ce problème invisible, rendre les gens invisibles, les faire disparaître. Ils sont prêts à aller très loin pour faire ça, très très loin. No one should be subjected to any form of violence, you know, for having done committed no crime except wanting to move. Ils ont oublié que ces gens étaient humains et qu'ils ont laissé derrière eux des situations très difficiles pour la plupart. Et même si ce n'était pas le cas, personne ne devrait être soumis à quelque forme de violence que ce soit. Ils ont commis aucun crime, ils ont juste décidé de bouger. Humanitarian associations to really reflect on whether they can continue to just do this work without having a political. On s'interroge pas mal sur le travail humanitaire qui est fait ici. On se demande à quel niveau on peut intervenir pour proposer une solution politique. On demande aux organisations humanitaires de se poser la question si elles peuvent continuer longtemps comme ça, sans avoir de point de vue politique sur la question. C'est une situation qui est européenne. Calais, c'est juste un exemple. Mais si vous alliez au Maroc, vous trouveriez une jungle comme ici. Mais là-bas, ils tirent sur les migrants. Et l'Union européenne, elle finance la police des frontières dans ces pays. Alors ce sont des pays qui n'ont jamais respecté les droits de l'homme. Ce sont des pays qui produisent des exilés, et c'est à eux qu'on demande de faire le travail très sensible, d'en prendre soin, si on peut dire prendre soin, parce que je ne sais pas si ces gouvernements savent prendre soin de qui que ce soit. A few years ago, the UNHCR used to have a discourse which was somewhat different. You know, the idea that you know, the rich countries of the world should take their part in the responsibility of things. Il y a quelques années, le Haut-Commissariat aux réfugiés avait un discours un peu différent. Il y avait l'idée que les pays riches du monde devaient prendre leur part de responsabilité. Maintenant, il semble avoir complètement changé d'approche et considérer qu'il faut aller dans le sens des exigences économiques de l'Union européenne. Et c'est tout ce qui compte. Donc, il donne sa bénédiction à toutes les expulsions d'Europe. Et il participe à la construction de ces horribles prisons sur la côte libyenne, où les gens sont emprisonnés, parfois tués, et on n'en entend jamais parler. La presse n'en parle jamais. Ça dérange personne. Ça dérange personne parce qu'on n'en entend jamais parler. Il y a un blackout complet sur cette question. When it comes to talking about this subject, so yeah, we have to be here to speak out about that, and we haven't come here just to denounce the situation that's happening in Calais, but all this entire European. Donc voilà, on est là pour parler de ça. On n'est pas là juste pour dénoncer la situation de Calais précisément, mais pour parler de toute la politique européenne en matière de migration. Parce qu'elle nous déshumanise, elle déshumanise nos sociétés. We know other people have been turned away in the past, you know, in different period, but a period that, you know, which has troubled all of humanity ever since. On sait qu'il y a des gens qui ont déjà été mis à l'écart dans le passé, dans des périodes qui ont posé problème à toute l'humanité depuis. Des gens qui ont été renvoyés vers des camps de la mort, qui ont été rejetés des pays sûrs. In the first place, but we seem to have forgotten all about that, and we just were here to remind. C'est pour ça qu'on insiste tellement sur la protection des réfugiés, parce qu'on semble avoir tout oublié de ça. Donc on est là pour le rappeler. On est là pour rappeler aux politiciens et au gouvernement pourquoi on a besoin de ces protections. There are new dangers in the world which we're all aware of. We're all aware of climate change. We're all aware of the economic war that's being waged against poor people. Il y a de nouveaux dangers dans le monde. On est tous au courant. On est tous au courant du changement climatique. On est tous au courant, ou bien on devrait l'être au moins, de la guerre économique qui a été lancée contre les pauvres par l'Organisation mondiale du commerce, et aussi à travers les accords de politique agricole commune, qui donnent par exemple des subventions aux agriculteurs européens et qui mettent les agriculteurs sénégalais en faillite parce qu'on écrase leur marché de nos productions agricoles. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ces agriculteurs sénégalais? Ils deviennent des exilés. Il se passe la même chose dans le domaine de la pêche. L'Europe envoie des énormes bateaux de pêche dans leurs océans et ils ont juste des petits bateaux de pêcheurs. Il n'y a pas de concurrence possible. Donc, qu'est-ce qu'ils font tous ces gens? Soit ils deviennent misérables, soit ils s'en vont. Et après, on les criminalise parce qu'ils deviennent misérables, on les criminalise parce qu'ils deviennent migrants. We criminalise them for becoming pirates, and we criminalise them for being migrants. What are they supposed to do? Come on, let's be real, let's be human. We're humans, Christ's sake. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Faut être réaliste, faut être humain. On est humain, merde. It's a recording. What we say? Julie Nomad, le journal du camp. Et un jeune homme vient discuter. Il accepte que son histoire soit enregistrée. Aha. How are you? Good morning. Yeah, very well, thanks. You sleep well? Yeah. Yeah. Il s'appelle Aref. He's dancing a lot. La veille au soir, la sono avait passé de la musique afghane. Et les Afghans avaient dansé une bonne partie de la nuit. The police talk this. I'm try for England. Dog coming. England dog. Yes. Oh. The police dog? Yeah. He caught you? Yeah. Il me dit que lors d'une de ses tentatives de passage vers l'Angleterre, c'est un chien policier anglais qui l'a repéré. What's your name again? Okay. My name is Arif. I'm from Afghanistan. How old are you? I'm 20 years old and I'm from Afghanistan. Coming here France is 1 year and 6 months. Il dit qu'il vient d'Afghanistan, qu'il a 20 ans, qu'il a mis 1 an et 6 mois pour arriver en France. From Afghanistan, from Turkey, from Greece, I'm by walking. After the water were small sheep. Qu'il est allé d'Afghanistan en Turquie à pied, puis de Turquie en Grèce sur un petit bateau. Yes, 7 months. Je lui dis, en marchant? All of. Il dit oui, tous ces kilomètres. Pendant 7 mois, j'ai marché. This walking. Marcher. After here, police are catching this problem. In Turkey? Yeah. Il dit, on a été arrêté par la police en Turquie. Greece, from Turkey, Greece, and small ship. Après, on a pris un petit bateau pour aller en Grèce. Small ship is I'm coming. Is I'm 18 friends. My ship is finished after I'm the water. 1 hour and 13 minutes. I'm the water after police coming. On était 18 sur le petit bateau. Yes, et il a coulé. Water, police coming out the water. One my friend is near the. I'm here. This go the water finish. After I'm 3 months in the jail. Pendant 1h30, on est resté dans l'eau à nager. Three. Et à la sortie de l'eau, il y avait la police qui nous attendait. Un de mes amis s'est noyé. Après ça, j'ai fait 3 mois de prison en Grèce. Et après, j'étais libre. Athènes, the city. C'est un appel pour une réunion à 10h. C'était une grande prison à Athènes. City, yes, Athènes. Athènes, yeah, a big jail. Three months here in the jail. Je lui demande combien ils étaient à marcher depuis l'Afghanistan. From Afghanistan, how many people were walking with you? I am 10 friends. Yes, 10 friends of Afghanistan come for here. Another my friend is go England, only I am coming here. Il me dit, on était 10 amis. Ils ont tous réussi à passer en Angleterre, sauf moi. Il dit, je suis seul. England is working, yes, all of the Manchester and Birmingham. Les 9 autres, ils sont à Manchester et Birmingham. Working in this restaurant and a shop, pizza shop. Ils travaillent dans des restaurants, dans des magasins. Je lui demande ce qu'il a fait une fois sorti de prison en Grèce. When you go out of jail in Greece, what did you do? I'm go for the street. Il dit j'étais dans la rue. 23 days the street. Pendant 23 jours j'ai dormi dehors. Yes, the park. Dans un parc. Street after for me working. Il dit après j'ai trouvé du travail dans un restaurant. I'm go working. This working for this person, the restaurant, the we are sleep, the day 20 euro, the day 20 euro. Il dit je touche 20 euros par jour. Yes. Okay. I sleep the, this home, go for this home. Et je dormais là aussi. Il y avait le restaurant. You get 20 euros a day, yeah. But during je demande combien d'heures the day, par jour il travaillait pour ces 20 euros. Then the morning 10-11 hours go open the restaurant after. Where is the night 10 is close? Il dit de 10 ou 11 heures du matin à 10 heures du soir. This close after go. Yeah, it's more than 8 hours, then it's more like 10 from 10 in the morning to 10 in the evening. Yeah. This 12 o'clock, 11, 12, 10, this o'clock working after. Yes. And just 20 euros. 20 euros. Yeah. It's not much, right? Je me demande où il est allé après la Grèce. And then from Greece, how did you, where did you go after Greece? After Greece, from Utrecht by air, I'm not got passport. Il dit, je suis allé en Autriche par avion. Mais à l'aéroport en Autriche, ils m'ont dit que mon passeport, il était pas bon. Walking or? No, no, by air. Flying. And by flying. By air, coming by air is here is the airport, Utrecht airport. I'm catching my passport is not good. J'ai fait trois jours de prison là-bas. Ils m'ont pris les empreintes. After 3 days, the jail fingerprints. After I'm free. Et puis ils m'ont relâché. After 2 days, the sleep the street, park. Another. J'ai dormi deux jours dans la rue. One people the park. Dans un parc où les Afghans se retrouvaient. For me money, I'm ticket come forest. Paris, Paris coming here. Et après j'ai eu un billet pour Paris, et de Paris à Calais. Yes, by train. Je lui demande un ticket de quoi? Il me dit de train. Je lui demande si en France il a réussi à travailler. Paris no working. Non, à Paris j'ai pas travaillé. You said, je lui demande s'il est resté dans le coin de la gare de l'Est à Paris. Gare de l'Est, yes, I am stay at the Gare de l'Est park. Gare de l'Est park, 6-7 days Gare de l'Est park. Il me dit oui, j'étais dans le parc de la gare de l'Est. 6 ou 7 jours, j'y suis resté. And then in in Calais, how long? 3 months Calais. Here, il me dit Calais. Là, ça fait 3 mois que je suis à Calais. Mountains. In the jungle? Yes, the jungle. Dans la jungle. That's bad. Yeah. Bad. Yeah. C'est pas bon. And the police in Calais. Il m'avait dit en micro, la police en France ça va, mais à Calais non. Alors je lui demande de parler de la police ici. Calais police is not good. The day I'm 2 times catching go police station, I'm three hours walking. Il me dit la police à Calais, oui c'est pas bien. Parfois la même journée il m'arrête deux fois. Il faut que je marche 3 heures pour revenir à la jungle. Go police station of fingerprints after. Free go 3 hours, 6 hours, 8, 12 hours, 20 another this 24 hours after free. Il me dit ils prennent les empreintes digitales. Après on est libre. Après 3 heures, 6 heures, 12 heures, une autre fois 24 heures, yes. Et après on est libre. Go for 6 hours the go for food. Police coming catching go. Il me dit une fois j'étais sorti chercher de la nourriture et ils m'ont attrapé. Yes. Can you get food easily in Calais or? Calais is not easy, but police problem. I go here is police catching. Je lui demande s'il trouve à se nourrir facilement à Calais. Il me dit Calais c'est pas facile. Quand la police est là, qui vient toujours nous attraper. Calais, what? How many times je lui demande combien de fois par jour il arrive à manger. Two times. Il me dit deux fois, sauf Saturday, le samedi et le dimanche, une seule fois. One time. L'association qui assurait les repas du midi ne lui faisait pas le week-end. Can you wash? I'm wash, yes, but water is not good. Je lui demande s'il peut se laver facilement. Il dit oui, je me lave, mais l'eau est pas bonne. Je lui demande si c'est près de l'usine Tuxid. Il me dit oui, c'est ça. But it's bad water. This. Yes, we are water chemicals. Another thing is. C'est de l'eau dans laquelle il y a des produits chimiques. After this, yes. Yeah. This. Scratching. Yeah, crushing. Yeah. Yes. Et il me montre des irritations sur sa peau. Yes. Here is not good water. It's not shower, not toilet. I'm watering the company water is coming here is washing. Yeah, in the no border camp you can wash with yes, normal water. Yeah, no border camp today washing yeah. This is good. Il parle du camp no border, il dit ici au moins on peut se laver et boire de la and bonne then eau. After that, c'est bien. You want to go to England? After yes, I go every night try but. Je lui dis après donc tu veux aller en Angleterre. Try England. Il dit oui, toutes les nuits j'essaie. No chance. Toutes les nuits. England check post out for dog for computer out no chance. Il y a les chiens, il y a les scanners. J'ai pas de chance. Yes, in the night try for England the day sleep the night no sleep. Every night. Toutes les nuits j'essaye. Yeah. Le jour je dors et la nuit all j'essaye. All night try for England the day no sleep no. The day sleep the night try England. Je lui dis bientôt tu arriveras. Il hausse les épaules et il dit ouais. Soon you go to England. Yes. Yeah, you do it. Gendarmerie. Un ami d'Aref nous rejoint. Aref fait le traducteur. This here is fire. This In Turkey, the police they fired at you. Yes, for Kalashnikov. Il dit, en Turquie, la gendarmerie lui a tiré dessus avec des Kalashnikovs. Stop, stop. This I am not that good. Et il me montre des traces sur son corps. Et tout est dit au rôle de l'Internet de Turquie et au Bolzina. Des chefs qui sont samantar du côté Europe. This brother is the samander. The samander is small ship in Spanish. This brother. Near the water. Il dit, et quand il a pris le bateau pour passer de Turquie en Grèce. Yes. Son frère est mort noyé. Turquie et Grèce, en Spanish. My brother. Yeah, brother. The Europe is sick, look, it's my in Spanish, no, his body is no body. Body is. Il n'a même pas retrouvé son corps. No. Il a disparu en mer. This 26 person is the chief. This 6 person is out the ship, another person is all of his Spanish. Il y avait 26 personnes dans ce bateau. Il y en a 6 qui s'en sont sortis, les 20 autres sont mortes. 20 Finnish. Alors Aref revient aussi sur son trajet. I'm the from Iran. I'm 10 days no food. During 10 days. 10 days. Yes. Where is the tree? This format. This the tree. This go. Indian. Quand j'étais en Iran, j'ai passé 10 jours sans manger. Yes, free tree this chicha or tofu. Chicha. Leaves. Yes. Tree leaves when you eat. Yes, this. Il dit, j'ai mangé des feuilles d'arbre pendant 8 jours. This. Your lips were torn. Et il me montre les crevasses sur ses lèvres. Voilà, ça a fait ça. Puis il reprend, comme pour lui-même, des bribes de son trajet. Calling the taxi coming after go the city go here is fresh go money coming Turkey border after walking to near the border of Greece. After this, the small ship are coming from this. Son copain reprend la parole. The Rina singer are going to Chishna. Yunan. Yunan. Yunan. Yunan. This Iran, Greece come to Italy. This coming to the truck. Il dit qu'il est passé de Grèce en Italie sous un camion. 26 heures accroché sous un camion. Near the track. Underneath. Yes. Yes. Siniland. This 26 hours. 26 hours? Yes. Under the truck? Yes. Truck, Italia, Greek. Between Italy and Greece? Greek, yes. Oh dear. 26 hours. Like this? Yes. Like this. No. Angry. No water. No water? No. No eating? Nothing. No. And the noise? No. Sans eau, sans nourriture. I don't know how you. Il montre des traces de brûlure sur ses avant-bras. Yeah, you got hurt. Yeah. Grrr. Track. Mm. this map here, it shows all the tiles. Un ref me demande ce que j'étais en train de lire et je lui montre Nomad. All these maps. Sur une des pages, il y a une carte des camps pour étrangers en Europe. In Paris, here in Calais. On regarde de la France. That's in England. Also prison. Yes. Yeah, also prison. Yeah. Puis l'Angleterre où il en découvre beaucoup. No borders. No borders, no nations. Aref redit. No chance. Pas de chance. I'm here. And I'm the night. Il me dit que la nuit il marche 2 heures pour rejoindre les parkings des camions sur lesquels il essaye de s'embarquer. I'm two hour walking. Let's go for this road. Go here. Il me dit qu'en Grèce, les gens prenaient peur lorsqu'ils les voyaient s'approcher des voitures et leur disaient de partir. Sit near the car. Oh, one people. Yes. Greek people. One people. Go. Et puis ils chantent. C'est une chanson d'amour. Girls for me. I'm good girls. Go. Il me dit avec moi go. Les filles elles s'en vont. I'm like girls. Like me now girls. J'aime bien les filles mais elles m'aiment pas. Girls. I'm good girls. Girls. Why come and go? But it's difficult when you're walking 7 months and then 2 months in jail and then. Je lui dis que ça doit pas être évident en étant sur la route depuis un an et demi et en dormant dehors d'avoir une petite amie. COP 15 climate summit in Copenhagen meeting starting now in the woods. We tried to bring in a no border perspective within the climate summit protest in December in Copenhagen. Starting now in the woods. Yeah, meeting. Meeting. Yeah. I do not understand this, Doug. Sommet sur le climat de Copenhague en décembre qui commence maintenant dans les bois. En fait, c'est pour essayer de donner une perspective no border au sommet sur le climat. Voilà. Si ça vous intéresse, rendez-vous dans les bois. Parfois ils arrivent à prendre le camion, parfois ils arrivent à passer en Angleterre. Entretien de Mathieu Killet. Parfois ils se trompent des camions, ils arrivent en Belgique, donc ils reviennent avec Agostina de l'association Salam. Parfois, souvent malheureusement, la police les arrête. Et donc on les voit courir sur l'autoroute. C'est hyper dangereux la nuit, il y a plein de camions qui passent. Il y a des jeunes qui sont morts déjà sur l'autoroute. Donc tu dis, mais attends, le mec, il. Il vient d'Afrique, il vient d'Érythrée, il a passé le Soudan, il a passé le désert dans une quinzaine de jours dans le désert, dans un camion, il a vu mourir au fur et à mesure ses potes. Lui, il a survécu, il arrive, il a passé l'Italie, il arrive en France, il arrive à Calais. Putain, il est à même pas 35 km de son but, de son rêve, et il meurt à Calais, quoi. Et parfois... Parfois, on n'arrive même pas à le renvoyer parce que parfois, on ne trouve pas les contacts, on n'a pas son nom parce que... Le renvoyer ? Ouais, normalement, on essaye de renvoyer le corps à la famille, en fait, une fois qu'il est mort. Je crois qu'Iluam, une fille érythréenne, elle a été renvoyée. Il y a un Irakien aussi qui était renvoyé, je crois. Et là, dernièrement, ben, la semaine dernière, on a réussi à envoyer... un Érythréen qui est mort, pareil, dans le canal à Calais. Le canal ? Ouais, il y a un canal, le canal qui passe dans le centre-ville, en fait. Ils ont, en fait, le canal situé, c'est juste en face de la maison des Éclusiers. où les Érythréens ils squattent en fait. Il y a à peu près 150 mecs dedans. Et il s'est un peu éloigné du bord et il a eu un malaise. Il rentre dans le canal pour se laver aussi parce qu'ils n'ont pas des douches. Il n'y a aucun moyen d'hygiène. Donc tu as un canal en face de toi, il y a de l'eau. Ils ont besoin d'eau, c'est vraiment un besoin fondamental. Et du coup, il s'est baigné pour prendre une douche, pour se laver, quoi. Donc il est mort pour une douche, quoi, presque. Et ça, c'est n'importe quoi. C'est... Donc on a réussi, vu qu'il y avait son frère sur Calais, on a réussi à contacter la famille, une partie de la famille en Érythrée, une partie de la famille en Angleterre. Il y a une sœur et une tante qui habitent en Angleterre, qui sont légales. Donc elles sont venues ici à Calais pour renvoyer le corps du garçon. Et ça coûte 5000 euros, renvoyer un corps. Et l'État, il ne prend pas en charge. Personne ne prend pas en charge. Donc c'est les citoyens calaisiens et non qui ont, avec des petits chèques, nous ont aidés. Donc on a réussi à avoir la somme très brièvement. Alors on a renvoyé le corps la semaine dernière. Et ça, c'est des coups qui te tombent comme ça et tu dis, mais merde, quoi. Il y avait un jeune sous l'autre route, Balouam, la jeune érythréenne, pareil, elle avait une action de CRS. Ils les ont coursés sur une bretelle de l'autre route. Et les CRS, ils sont arrêtés en bas de l'autre route. Sauf que Louam, elle était la première à courir. Il y avait son frère derrière avec un autre. Trois autres, je crois. Et... les trois autres, ils ont vu que les CRS, ils étaient arrêtés en bas de l'autre route. Mais Louam, non. Donc elle a continué à courir. Elle a voulu traverser l'autre route. Et c'est une voiture qui l'a pris. La personne qui était en voiture, elle ne s'est même pas arrêtée. Elle est revenue après deux heures en disant « Ouais, je sais pas, je croyais que c'était un animal, une bête, j'ai pas fait gaffe, voilà, quoi, j'ai pas vu, putain. » Les trois jeunes, ils ont voulu porter plainte, en fait. Donc un membre de l'association Salam, il les a accompagnés à la sous-préfecture pour porter plainte. Sylvie, elle a négocié avec la police en disant « Bon, ils veulent porter plainte. » Par contre, je leur ai dit, j'ai garanti qu'il n'y avait pas de poursuites, pas de dangers pour eux après, quoi. Non, madame Copiens, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de soucis, voilà, on veut juste, voilà, on prend leur témoignage et c'est bon, quoi. Donc Sylvie, elle a attendu. Au bout de quelques heures, la police va voir Sylvie, dit, en fait, madame, je suis désolée, il ne peut pas sortir tout de suite, on va procéder à une prise d'empreinte. Mais attendez, vous avez dit non, quoi. Bon, à la fin de compte, il n'y avait pas d'SRS, c'est pas vrai. Les trois jeunes, ils s'est baladés. Louam, elle voulait voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'autre côté de l'autre route. Donc, c'est un accident. Donc, voilà, Louam, elle est morte comme ça. Il y a un mois et demi, il y a eu un autre érythréen, un garçon qui essayait d'y passer par le tunnel, en fait. C'est hyper dangereux, le tunnel. Parce qu'il a été trouvé à 10 km à l'intérieur du tunnel. Il avait le visage complètement défiguré. Parmi ses affaires, du coup, les Érythréens, ils ont réussi à dire oui, c'est lui. On a réussi à contacter sa sœur en Érythrée, qui devait nous envoyer une photo pour que les gars qui le connaissaient puissent le reconnaître, en fait. Sauf qu'après, on n'a plus eu de nouvelles. On a essayé plusieurs fois de l'appeler, on n'a pas eu la photo. Et au bout d'un moment, quand tu n'as pas de nouvelles, le corps il est enterré à Coquel. En fait, à Coquel, il y a un cimetière où il y a un endroit pour les gens sans nom, quoi, presque. Les gens qui... Et ça fait mal, ça, parce que tu... Pendant qu'ils sont vivants, ils sont considérés moins que rien, ils sont considérés personne. Ils sont obligés de donner des faux noms, donc ils n'ont même pas leur propre identité. Et une fois qu'ils sont enterrés à Coquel, certains, ils n'ont pas de nom, quoi. Donc lui, il était enterré à Coquel. Après, il y en a plein, je veux dire, il y a un Afghan qui a été tué début janvier. Apparemment, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. une histoire de passage. Revendication du camp No Border. Les personnes désirant se rendre de Calais au Royaume-Uni vivent dans des conditions inhumaines et subissent un harcèlement constant. Dans cet espace règne la répression policière et la loi des passeurs, tandis que les groupes et individus qui soutiennent les personnes migrantes sont criminalisés. Cette répression est générée par l'externalisation en France du contrôle frontalier britannique, l'hystérie générale autour des migrations, et la Convention de Dublin, qui oblige les demandeurs d'asile à déposer leurs demandes exclusivement dans le premier pays européen où ils auront été identifiés. Nous défendons la liberté de circulation, nous nous opposons aux frontières et aux discriminations racistes. En premier lieu, nous exigeons l'entrée au Royaume-Uni pour toutes et tous sans condition, l'arrêt des attaques et destructions des lieux de vie des personnes migrantes, l'accès aux soins et aux douches doit être garanti, liberté de mouvement pour tous dans et autour de Calais, la possibilité de circuler partout sans restriction, harcèlement ou crainte d'être arrêté, l'arrêt des arrestations à répétition, la liberté d'expression pour tous, y compris les personnes migrantes, le droit de protester et de se plaindre auprès des autorités, individuellement ou collectivement, l'arrêt des expulsions, que ce soit par charter ou non, vers des pays en guerre ou non, la fin de la répression vers les associations et individus qui soutiennent les personnes migrantes, y compris pour ce qui concerne l'offre de moyens de transport, l'assurance d'un conseil juridique gratuit et impartial sur le Royaume-Uni, les droits d'asile et d'immigration, la politique d'immigration britannique arbitraire, la détention sans limite de temps ne peuvent pas être exportées à Calais. Aucun nouveau centre de rétention ne peut être construit, et particulièrement des infrastructures de type Guantanamo. Camp No Border de Calais, le 29 juin 2009. Depuis la fin du camp No Border, le Calaisien que vous avez entendu a été convoqué au commissariat. Il y a eu de nouvelles annonces du ministre de l'immigration ou du préfet que la jungle et les squats allaient être détruits. Et puis la France et l'Angleterre ont signé un accord de coopération visant à renforcer la frontière et à faire de Calais une zone zéro migrant. Depuis la fin du camp aussi, un collectif No Border est resté sur place pour faire un travail de veille et d'information sur les activités de la police et pour soutenir les migrants au quotidien. C'était La frontière à vif, un documentaire sonore produit avec Guillaume Yom à propos du camp No Border qui s'est tenu à Calais en juin 2009. On remercie particulièrement Mathieu Quillet du groupe vidéo de No Border qui nous a laissé prendre les interviews avec Tom et Agostina. Le film dont ils sont extraits devrait être prochainement visible sur Internet. On mettra le lien, ainsi d'ailleurs que cette émission, sur www.intempestive.net. Rediffusion mercredi prochain à 10h. Et rendez-vous le jeudi 17 septembre pour une nouvelle intempestive avec Michel Agier à propos des camps de réfugiés et du gouvernement humanitaire. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.